Allô? Allô. Bonsoir, Fine. Bonsoir. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen. Je suis le frère junior de Douala au Cameroun. Ok. Je suis dans la chambre comme ça, je suis dans la chambre. J'ai fui parce qu'il y a tellement de gens à la maison, il y a des gens au salon. Je suis venu dans la chambre pour que nous puissions causer en privé. Ok, c'est gentil, merci. Donc je m'excuse déjà parce que j'ai eu beaucoup de personnes, juste beaucoup de personnes. Et il y a encore deux personnes en ligne après toi avec qui je vais causer. Ok, mais moi en fait je n'utilisais plus Skype, j'avais viré mon Skype, j'avais effacé, j'avais désinstallé. J'ai dû demander à d'autres personnes quel nom j'avais. En fait, je ne savais même plus quel nom j'avais, en fait. J'ai dû tout rechercher. C'est pour ça que ça fait aussi long. Oui. Donc, désolé, ce n'était pas du mépris, en fait. Hein. Eh non, mais C'était. non. Non, ça a permis que j'évacue également d'autres personnes qui étaient là. Ok. Comment était ta journée? Ben, c'était bien. C'était avec beaucoup de réflexion. J'ai beaucoup réfléchi, hein, vraiment. Après, ça m'a même amené à écouter d'autres témoignages. Hein. Oui. Et puis, ouais, je sais pas. Bon, est-ce que tu peux mettre d'abord que nous prions? On prie ensemble avant de commencer. Oui, ok. On va prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et c'est toi qui as touché ta fille Jocelyne afin qu'elle puisse me contacter. C'est toi qui touches ton cœur, c'est toi qui coordonne ce moment. Nous soumettons ce moment entre tes mains. Et je prie, Père de gloire, alors qu'elle se met à parler, Père de gloire, que tu puisses donner, accorder la grâce, Seigneur Dieu de gloire, d'être libre et libéré de tout ce qui est sur son cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et te la recommande entre tes mains. Guide-nous maintenant et conduis-nous dans la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Je suis à ton service, ma soeur Joseline. Non, mais il faut m'appeler Annie. Hein. Annie. Ça, c'est le premier prénom. Oui. Ok, Annie, c'est bien alors. Eh bien, parce oui. Que tu sais que Annie vient de Anne, que veut dire la grâce, non? Ah bon? Ouh là là, je savais pas alors. Déjà, comment tu as fait pour écouter le témoignage? Parce qu'il s'agit, il est question du déclenchement de ta propre vie, des choses de ta propre vie par rapport au témoignage de Mélissa que tu as suivi sur Bamba Iba. Entre parenthèses, c'est que moi j'allais déjà me coucher, il était minuit. Hein. Oui. Donc 23h là-bas, il était minuit ici. Alors, j'allais déjà me tu es dans coucher quelle, et puis en quelle ville en Suisse? Pardon? Tu es dans quelle ville en Suisse? Neuchâtel. À Neuchâtel. Entre Lausanne et Bâle. Ok. Donc maintenant, est-ce que c'est déjà la nuit maintenant là? On a même. C'est un peu le crépuscule parce que comme on va vers l'été, il fait de plus en plus tard. La nuit vient de plus en plus tard, quoi. Oui. On a de plus en plus de longues journées, en fait. On est à 20h35 ici à Douala. Et là-bas, il est quelle heure? 21h35. Donc, ça veut dire que vous avez une heure de plus que nous, alors. Ok, donc, tu disais que tu allais au lit. Ça, c'était quand, là? C'était hier soir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu congé, hein, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Oh. Et c'était hier soir, j'ai fini de discuter avec ma mère. Et puis, bah, moi, je me disais que j'allais au lit, parce que souvent le soir, parfois, dès que je finis ma petite prière, je mets, les psaumes par audio. Oui. Je les écoute. Oui. Et puis, bah, justement, en voulant mettre comme ça, je sais pas comment j'ai fait pour atterrir là, puis je vois j'ai cru que c'était un film africain, en fait. Puis je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant, j'ai la nostalgie du pays, comme ça j'ai peut-être regardé encore vite fait un petit film africain. Oui, attends, mais quand là c'est sur YouTube que tu as vu ou c'est quoi? Exactement, oui, YouTube. Oui. Et puis mais je regarde la photo, je vois une fille avec le serpent et tout, je me dis, ah tiens, j'aime pas ce genre de film, c'est quoi ça? Je vais pas regarder ça. Après je lis, je vois que c'est un témoignage. Oui. Ça doit partir de là, j'ai dit, ah tiens, c'est un témoignage, je vais peut-être écouter un peu, peut-être ça peut être... Parce que c'est le serpent en fait qui m'a fait... Parce que moi j'ai une phobie de serpent. Hein. Oui. Puis je me suis dit, mais est-ce qu'elle a pu avoir cette fille pour avoir le serpent au cou comme ça? Oui. Alors j'ai commencé à écouter le témoignage, c'était la partie 1 parce qu'il y a deux parties. Oui. J'ai écouté les deux, hein, donc je suis allée au lit très très tard parce que j'ai écouté les deux. Oui. Je me disais je vais écouter l'autre demain, mais j'ai pas pu résister, je voulais écouter la suite. Oui. Donc j'ai tout écouté, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, moi j'ai eu des doutes, je me suis dit est-ce que c'est vrai ça, ça se passe vraiment ça? Oui. Et là ça me dépasse. Est-ce que normalement tu es abonné sur la chaîne YouTube Bamba Iba? Non, pas du tout. Et c'est vraiment ça, comment tu es arrivé au ça hasard, comment dans ces cas tu es arrivé là-dessus comme ça? Mais je ne sais pas justement. Je ne sais pas comment j'ai fait pour atterrir là. Et là, alors que tu partais mettre ton psaume pour lire, pour écouter, mettre en audio et dormir avec. Exactement. Les voies du Seigneur sont insondables, ma soeur. Et donc là, tu écoutes la première partie. Et raconte-nous ton expérience alors. Par rapport à ça? Oui, non. Qu'est-ce que tu as écouté? Non, moi, j'ai pas eu. Oui, j'ai écouté toute cette histoire, mais moi, j'ai pas eu une histoire de serpent. Mais c'est juste que moi, c'est. Je sais pas, cette fille, elle m'a touchée parce que c'est une jeune fille comme moi. Et puis, bon, son histoire au niveau des parents, c'est pas la même chose, mais c'est presque dans le sens que moi, mon père, il m'a abandonné. Hein. Il est vivant, hein, il est pas mort. Oui. Hein. Il est au Cameroun. Ok, oui. Quand ma mère est tombée enceinte de moi, quand elle lui a dit qu'elle est enceinte, il est parti. Oui. Donc moi, j'ai jamais eu de père, quoi. En fait, j'ai jamais été reconnue. Donc tu l'as pas connu alors? Je le connais parce que je crois que la dernière fois que je l'ai vu, il devait avoir 6 ans ou 7 ans, je sais plus. Oui. Donc ça veut dire que une partie, par exemple, du témoignage de Mélissa a suscité en toi, a réveillé en toi quoi? Quelque chose que toi-même tu as beaucoup pu alors. Chose, parce que moi, quand j'écoute quelqu'un, hein, c'est même pas seulement le témoignage de Mélissa, c'est que quand j'écoute quelqu'un, j'essaie de me dire à la fin que qu'est-ce que ça suscite chez moi, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon par rapport à ce qu'elle dit, qu'est-ce que je me suis posé beaucoup de questions, c'est pour ça que ça m'a touché, quoi, en fait. Oui. Et on dit qu'on ne juge pas les gens, mais je crois que Mélissa, elle est très courageuse. Parce que moi, à un moment donné, quand j'ai écouté son histoire, je me disais, moi, je serais partie il y a longtemps, quoi. Ouais. Je préfère être dans la pauvreté que d'être, voilà. Mais peut-être parce que Mélissa aimait l'argent. Ouais, mais moi aussi, tout le monde, moi, je sais pas, moi aussi, j'aime l'argent, mais moi, j'ai des phobies, certaines phobies que même s'il y a l'argent, je préfère me partir, quoi. Oui, parce que c'est quand même de vivre avec le serpent à la maison, sachant que le serpent... Elle... Oh là là là là là là là là, moi, vraiment, personnellement, cet animal, déjà, je n'aime pas. Donc, je crois que la première fois que j'aurais vu comme elle, là, au lavabo, je serais partie tout de suite, j'aurais même plus dormi, là. Oui. Ok. Et donc, quelles sont les parties des témoignages de Mélissa, la soeur Mélissa, qui te concernent particulièrement et qui t'ont marqué? Et donc, tu as vécu cela dans ta vie? Bon, j'ai pas vécu de serpent, tout ça, mais en fait, j'ai pas vraiment vécu. C'est pas vraiment la même chose. Je crois qu'elle m'a touchée parce que c'est une jeune fille, parce que elle a un parent en moins, comme moi. Je crois que c'est pas, oui. C'est pas vraiment que j'ai vécu la même chose qu'elle. Je sais pas pourquoi elle m'a touchée. Je sais pas. Bon. En plus, quand elle pleurait et tout, mais moi, j'avais les larmes aux yeux quand elle pleurait, quand j'ai entendu, tu disais à ta femme, prends-la dans ses bras. Oui. Mais je me suis dit, il faut que j'arrête de pleurer parce que ça se passe pas devant moi. Moi, j'écoute un peu. Ah, que le Seigneur te bénisse vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Alors là, on va continuer l'histoire maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avant que ton papa t'abandonne alors? Puisque tu dis que tu n'as pas connu le papa, donc tu n'as pas connu l'amour du père. Et là, voici un père. Exactement. Et voici donc un père qui veut donc, ça. Moi, oui, moi, je suis quelqu'un, j'ai la chance avec ça. Je remercie Dieu tout le temps pour ça parce que je suis quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent. Oui. Je ne comprends rien. Oui. Donc, ce qui fait que moi, voilà, ma mère, elle m'a jamais interdit de chercher mon père, hein, parce que je l'ai fait. Hein. J'ai cherché mon père, mais c'est lui qui me fuit, en fait. Oui. Donc, mais j'arrive quand même toujours à trouver comment dire, parce que j'ai des copines qui rigolent tout le temps quand je dis ça. J'arrive toujours à trouver quelque chose pour défendre mon père, même s'il a fait cet acte-là. Oui. Parce que je dis toujours peut-être que parce qu'il était jeune, il a eu peur. Je trouve toujours des excuses, quoi, mais les autres, ils comprennent pas. Oui. Bon, je dis, mais oui, parce quand que tu parles de, s'il te plaît, quand tu parles de cet acte-là, quel est vraiment l'acte que ton papa a commis qui semble... Le fait de laisser une jeune fille, on grossit une jeune fille, puis on l'abandonne juste parce qu'elle a dit qu'elle est enceinte. Oui. Donc ça veut dire que c'est ça qui a créé la séparation entre ton papa et entre ta maman. Exactement. Et là, elle s'est battue toute seule jusqu'aujourd'hui. Et ta maman se trouve où maintenant? Elle est ici aussi. Ok, et ton père au Cameroun ici? Voilà. Ouais. Et moi, par, comment dire, on dit toujours que l'enfant finit par chercher son père et tout, mais moi, maman ne m'a jamais interdit de chercher mon père. Pour ça, vraiment jamais. Donc, j'ai fait des démarches toute seule. Oui. J'ai trouvé mon grand frère. Oui. Que je n'ai jamais vu d'ailleurs, on a juste communiqué on s'est écrit, quoi, en fait. Oui. Et lui, le jour où je suis arrivé au Cameroun et qu'il y avait possibilité de se voir, les deux d'ailleurs, le fils et le père, ils sont jamais venus. Oui. J'ai fait plusieurs fois des recherches comme ça, puis je me suis dit à un moment donné, j'ai dit à Dieu que mais moi j'essaie de les retrouver, je fais tout ce que je peux, mais eux ils veulent pas, qu'est-ce que je fais? Moi je commence à me fatiguer quoi. Oui. Parce que moi j'avais peur que ça ait une influence dans ma vie. Oui. Wow. Et ton grand frère, c'est ton grand frère que ton papa a eu avec une autre femme, oui, avec ta maman. Exactement, oui. Une autre femme, même avant, c'est même à ce moment que moi j'ai su et que ma mère aussi su qu'avant moi il y avait déjà un autre enfant parce qu'elle croyait que j'étais l'aînée. Oui. Parce que celui-là, il est plus grand que moi, Oui. de 3 ans. Oui. Et lui, il serait au Cameroun alors? Il était, oui, quand je l'ai trouvé, c'est parce qu'il était à l'université de Soa. Oui. C'est pour ça que je l'ai trouvé. Soit Mais après, depuis c'est là. la deuxième université du Cameroun après l'université de Ngoyekele. Exactement. Ok. Donc, après, il a disparu tout d'un coup comme ça parce qu'ils sont pas venus au rendez-vous quand j'étais au Cameroun parce que mon père, il connaît la maison de ma grand-mère. C'est là où il a enceinté ma mère. Hein. Donc, il connaît. Hein. Oui. Mais ils sont jamais venus les deux. Oui, Donc, même là, mon grand frère en a. et le nom de ton grand frère, tu connais son nom? Oui, je connais son nom. Tu peux me donner son nom, je note son nom si c'est possible. Alors, oui, peut-être je vais écrire. Non, mais Parce que c'est ton grand frère là-dessus. Ok. Ok. Donc je vais noter son nom, d'accord? Donc, c'est Narcisse. Narcisse. Narcisse. Et puis le nom de famille, c'est. Mais je l'ai trouvé sur Facebook, hein, le papa, hein, mais il n'a jamais répondu. Ah, il ne répond pas Alors juste. je vais donner le nom de famille. Oui. Narcisse. Oui, j'appelle le nom de famille, c'est N. N. K. NK. EU. EU. Oui. Voilà, c'est tout. C'est NANKEU, donc c'est Narcisse Queux. Voilà, exactement. Et puis le père, c'est Maurice Guillaume Queux. Maurice Guillaume Queux. Guillaume Queux. Voilà, c'est noté. Et là, comment tu as fait pour entrer en contact avec ton père pour vous fixer rendez-vous pour le Cameroun avant que tu fasses le voyage du Non, Cameroun? justement, c'est parce que quand mon grand frère m'envoie une première lettre ici en Suisse, parce que je savais pas qui c'était, il a dû tout expliquer sur la lettre. C'est Oui. là que j'ai compris que, ah tiens, c'est mon grand frère, donc j'ai un grand frère, je savais pas. Oui. C'est là qu'il m'explique tout et puis je crois qu'il a eu l'adresse parce que c'est mon père qui est passé chez nous au Cameroun Oui. pour me voir parce qu'il venait tous les 10 ans, tous les 5 ans, tous les, quand ça le prend, quoi. Oui. Et on lui a dit que je n'étais plus au Cameroun. Oui. Donc là, on lui a donné l'adresse d'ici où je suis. Et lui, au lieu de m'écrire, il a donné l'adresse à son fils. Et c'est son fils qui m'a écrit. Oui. Alors, j'ai commencé à communiquer avec le fils. Oui. Mais ce qui est dommage, c'est que quand j'arrive donc au Cameroun, qu'on peut se voir, mais personne n'est jamais venu au rendez-vous, ni le fils, ni le père. Il savait que tu venais au Cameroun. Il savait que j'étais là, j'étais même là, j'étais là. Parce que j'étais pas à la maison, mais il allait souvent chez ma grand-mère, mon grand frère. Dès qu'il a pris contact avec moi, il a commencé à aller dans ma famille. Oui, Il allait souvent rendre visite à ma grand-mère maternelle. oui. Au fond, quelle est la version? Quelle est la version de ta maman? Qu'est-ce que ta maman t'a raconté au juste, le concernant? Rien. Vraiment, pour être honnête, ma mère ne m'a jamais découragée pour chercher mon père. Elle m'a même souvent aidée. Oui. Mais parlant de leur séparation, qu'est-ce qui a causé la rupture pour que ta maman puisse s'éloigner ou bien que ton papa puisse s'éloigner de ta maman? Mais parce que ma maman, elle était très jeune. Ma mère, elle m'a eu, elle est tombée enceinte, elle avait 14 ans et demi. Oui. Et mon père, il était déjà un 14 peu ans. plus Donc, ta maman âgé. t'a conçu à l'âge de 14 ans. Exactement. Non, je suis née à 15, quand elle venait d'avoir 15 ans, mais elle est tombée enceinte, elle avait encore 14 ans et demi. Non, mais ça, ton papa devait être un bon type qui aimait les jeunes femmes, hein. Parce que Exactement. Donc, quand je te regarde, tu es belle. il. Ça suppose que ta maman ou ton papa doivent être des personnalités très belles, là. Merci beaucoup. Donc, ce qui fait que ma grand-mère, ayant perdu son mari très tôt, elle avait à elle seule 10 gosses Wow. sans travail, plus la petite fille qui va naître. Donc, elle était très, très fâchée, ma grand-mère, Oui. de voir que sa fille, elle était enceinte. Je crois que ça l'a peut-être effrayée. Oui. Je trouve toujours des excuses, mais j'ai toujours des amis qui me disent arrête de trouver des excuses à ton père, là. Oui. Mais c'est que parce que j'essaye de comprendre à cet âge-là, parce que il était pas vieux, hein, c'est vrai, il était un peu plus âgé que ma mère, mais c'était pas aussi un vieux, c'était un jeune aussi à cet âge, à ce moment-là. Oui. Donc, ce qui fait que je me dis qu'avec la culture, je dis ça parce que j'ai fait la psychologie, peut-être c'est pour ça aussi, je me dis avec la culture africaine, je sais que souvent les pères, les parents, même quand ils ont tort, ils ont du mal de demander pardon. Alors, je me dis peut-être que c'est lui qui a honte, c'est pour ça que quand je suis venue au Cameroun et que j'étais là et qu'il pouvait me voir, Oui. Il a pas pu, il a juste pas pu venir, peut-être à cause de la honte. C'est Oui. ce que j'essaye de trouver comme excuse. Oui. Parce que j'ai pas envie d'entrer dans la haine. Moi, même si il m'a pas reconnu, même si il a rien fait pour moi, mais c'est quand même mon géniteur, tu Oui. vois. Oui. Donc, ce sont les excuses que j'essaie de trouver, des réponses que j'essaie de m'apporter à moi toute seule, vu que lui, il n'est pas là, il fuit. Et là, ces excuses vont rester des interrogations, vont rester des suppositions jusqu'à ce que tu tombes Exactement. dans la vérité. Exactement. Et puis, j'ai même fait des recherches sur Facebook, je l'ai trouvé, hein, je l'ai trouvé. Tu as J'ai trouvé demandé ton l'ami, papa. j'attends toujours. Pardon? Tu as trouvé ton papa sur Facebook. Oui, je l'ai trouvé. Et son Et Facebook je est à reconnais la jour. photo. Et c'est à jour. Parce que. Justement, il s'est plus reconnaît, il s'est pas reconnecté depuis. Voilà. Donc j'attends tout le temps, je vais regarder si c'est reconnecté pour voir. J'ai envoyé l'invitation et j'ai envoyé une photo Oui. où j'ai fait une partie de la photo, c'est moi, une partie de la photo, c'est lui. Oui. Donc ça veut dire physiquement, alors tu connais ton papa. Physiquement, tu le connais. Oui, si, parce que quand même, je l'ai vu 2 fois, hein, je crois. J'avais une fois peut-être 4 ans, et puis une fois 6 ou 7 ans. Donc j'ai l'image dans ma tête, hein, et puis j'ai les photos qu'on m'a données aussi. Donc si je le croise en route, moi je vais le reconnaître, mais lui, il peut pas me reconnaître parce que j'ai grandi, je suis plus la même petite fille. Je suis grande maintenant, j'ai 30 ans, hein. Ouais. Donc ça fait, parce que tu as dit ça, là, il y a 6 ans la dernière fois. Donc ça fait 24 ans que tu Oui, l'as 6 ou vu. 7. 24 ans. Et permets-moi de rentrer au niveau de la rencontre entre ta maman et ton papa. Tu as dit que tu as été enfanté quand tu avais 15, quand elle avait 15 ans. Donc ça se suppose que c'est dans l'intervalle 15, 14 ans, 15 ans que tu as été conçu. Y a-t-il. Voilà, 14 ans et en fait j'étais prématurée, je suis venue avant. Je suis Ok. venue avant, Ok. avant la date. Oui. Donc, y a-t-il. Quelle est la circonstance de leur rencontre? Étaient-ils à l'école tous les deux? C'est comment? Non, ils n'étaient pas à l'école. Après, je ne sais pas comment ils sont rencontrés, mais ils n'étaient pas à l'école ensemble, non. Oui. Je n'ai jamais demandé à ma mère comment elle racontait mon père, mais je sais qu'ils n'étaient pas à l'école ensemble, non, non. Ok. Mais la société africaine en général et puis le Cameroun en particulier, on a une certaine façon de. Les familles se connaissent. La famille de ton papa doit connaître au moins la famille de ta maman. Donc au moins, il y a au moins un point de chute au Cameroun, par exemple, que voici leur maison. N'as-tu pas tenté d'y aller quand tu étais au Cameroun? Non. Quand j'étais plus petite, quand je dis la dernière fois que je l'ai vu, que j'avais 6 ou 7 ans, là, je sais plus, je suis allée dormir chez lui, hein. J'ai Oui. cette image encore en tête, mais c'était une maison en location, en fait. Et Ah puis, ben. ils habitent plus là. Parce Oh. que j'ai fait les recherches, ils sont plus là. Oui. Ils ont déménagé. Oui. Et la C'est pour maman. ça que lui, c'est pour ça que lui, s'il va me retrouver, c'est très facile. Parce que c'est toujours la même maison depuis qu'il est venu laisser la grossesse. C'est toujours le même coin, même quand il est venu 2, 3 fois me rendre visite. Oui. C'était la même maison, donc si. C'est pour ça que lui, il est venu quand j'étais déjà ici, parce qu'il connaît la maison. Donc, il Et connaît même le la maison à fils, on a Yaoundé. cherché. Ah oui, à Yaoundé. Et puis même le fils, là, mon grand frère, il est souvent, dès que, quand on a commencé à s'écrire, souvent, il a commencé à souvent aller rendre visite à ma grand-mère, à Biémassi. Oui. Parce que eux, ils connaissent la maison. Donc s'ils veulent vraiment me retrouver, ils ont tout. Mais c'est moi qui sais pas où ils sont. Oui. Donc, au fond de toi, tu penses que quel peut être le problème entre ton papa et toi? Pourquoi s'éloigne-t-il de toi? A-t-il honte ou Moi, bien? je pense qu'aujourd'hui, pour moi, hein, après, je peux me tromper, hein, parce que, mais ça, c'est par rapport à moi, à mon petit niveau. Je pense que la culture fait beaucoup. Il a honte. Je suis Oui. sûre qu'il a bien envie, mais il a honte. Et il faudrait en ce moment que, moi, je pense qu'il faudrait en ce moment que c'est moi qui fasse le premier pas. C'est pour ça que j'ai commencé à chercher. Ok. Et puis, je me suis dit, si je le trouve, je vais pas le brusquer. Je vais Bon. vraiment faire comme s'il n'y avait rien eu. Et puis, je vais gentiment, peut-être tous les jours, ou bien tous les 1 mois, poser chaque fois une question. Je comprends, je sais, par rapport à la culture, je sais que moi je sais qu'en Afrique, souvent les parents, tu rêves qu'ils te demandent pardon même s'ils ont tort. Ou Tandis bien, qu'ici, ils le font. ou bien peut-être ton papa, entre temps, a fait un foyer et qu'il ne veut pas dire au foyer qu'il Non, a eu. ce n'est même pas une honte. On sait qu'il a un foyer, il l'a dit. On sait, hein, il a 8 enfants. Je ne sais pas si je suis parmi les 8 ou bien si je suis la 9e, j'en sais rien, mais il a 8 en tout. Ok, donc au Si, dernier, ça c'est pas, il y ça a se d'autres passe pas, familles. hein. Il a même eu plusieurs, hein, femmes. Hein. Ça, c'est pas un truc à cacher. Non, ils étaient pas mariés, il y avait rien. Non, non, non, ça se cache pas. On le sait, il a dit les dernières fois qu'il a eu contact avec ma famille. Non, ça, c'est vraiment pas ça le problème, en fait. Ok. Et Annie, est-ce que à cet âge, tu dis tu as 30 ans, est-ce que tu es déjà mariée? Non, justement, c'est là, je voulais en venir là parce que je te dis qu'il y a beaucoup de choses qui coincent de ce côté-là. Oui. Bon, alors, je finis avec ton papa avant qu'on y revienne par rapport à ton mariage, alors d'accord? Donc, D'accord. Maintenant, supposons par exemple, puisque le Seigneur peut nous aider à le localiser au travers de ton témoignage, nous sommes d'accord. Oui. De la même façon comme tu es allé pour suivre les psaumes sans t'en rendre compte et tu es tombé sur le témoignage de Mélissa, de la même façon quelqu'un de proche ou bien lui-même ou bien un de tes frères peut tomber sur ce témoignage-ci et dit papa, il va falloir que ces choses soient réglées. Parce que puisque ceci a à voir avec ton mariage également, il se pourrait que tu rencontres ton frère qui est ton petit frère et puis vous mariez là-bas sans vous en rendre compte. Il faut que ça soit réglé. Oui, alors ça, frère Junior, je fais très attention à ça. Je demande toujours à la personne, je pose plein de questions au point où parfois les gens me regardent comme ça et me disent mais c'est quoi, c'est le FBI? Après j'explique que non, parce que j'ai des frères que je connais pas, alors j'ai peur de tomber sur un de mes frères. Ah oui, c'est bien cela. Bon, maintenant, est-ce que je veux que tu t'adresses directement à ton papa? Tu as dit qu'il s'appelle Maurice Guillaume Que. Et aussi à ton frère, Francis Que. Dis-le clairement au cas où ils sont en train de nous écouter maintenant, l'une des connaissances ou quelqu'un qui le connaîtrait, ou connaîtrait même leurs enfants, même les professeurs de l'école, les gens, des proches, de près ou de loin. S'ils le connaissent, qu'est-ce que tu leur dis directement? Commençons par ton papa, qu'est-ce que tu lui dis directement? Moi, je dirais à mon père que je suis quelqu'un, j'ai mûri. Que si aujourd'hui, c'est bien que ce soit aujourd'hui que je le cherche, parce que si ça aurait été quand j'étais beaucoup plus jeune, je crois que j'allais avoir de la haine. Mais aujourd'hui, j'ai mûri. Par rapport à mon métier que je fais, le métier de l'humain, hein, face à l'humain, la psychologie et tout, moi je peux comprendre par rapport à notre culture que moi je vais supposer, je vais mettre une hypothèse, je sais pas si c'est vrai de son côté, mais moi je choisis de mettre cette hypothèse, c'est que moi je pense qu'il a bien envie de me rencontrer, mais qu'il a honte. Oui. Il a honte parce que le temps est passé, j'ai grandi, et puis il sait peut-être pas quoi me dire ou comment s'expliquer par rapport au passé. Mais moi j'aimerais bien lui dire que c'est pas grave, parce que c'est vrai que tout jeune ne réagit pas de la même façon, parce qu'il y a des jeunes qui font des enfants et puis qui ne partent pas en courant, et puis il y a d'autres qui partent en courant. Oui. Ça peut s'expliquer, tout être humain est unique, mais que moi j'ai pas envie de dire je le pardonne, parce qu'il faut pas qu'il, je sais pas comment il va prendre ça, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que j'en veux pas mon père, quoi. Ok. Il n'est jamais trop tard, qu'il n'a pas à avoir honte, je vais pas le juger ou quoi que ce soit. Oui. Mais il est important pour qu'on puisse construire quelque chose, une certaine relation, je sais pas. Ma soeur, moi ça me ferait du bien, en tout cas, parce que moi, j'ai souffert de ça dans mon adolescence, en fait, face aux autres jeunes. Oui. Et encore, pour quelqu'un qui a fait psychologie, encore, connaissant toutes ces choses-là, dans ce que ça peut créer dans la personnalité, ce n'est pas évident. Voilà, exactement. Oui. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas à suivre. Ma soeur, je veux que tu adresses Annie, je veux que tu t'adresses à ton papa en l'appelant par son nom, en lui disant que papa, voici, parle-lui directement comme s'il était devant toi. Alors, oui, voilà, je sais pas si on l'appelle Maurice ou Guillaume, j'en sais rien, je vais choisir un, je vais dire Guillaume. Oui. Il faut pas avoir honte, si t'as honte, faut pas avoir peur, si t'as peur. Moi, je suis là, je suis très ouverte, je suis une merveilleuse fille qui comprend beaucoup de choses. Moi, je suis très ouverte, je suis apte à te recevoir, je serai au Cameroun d'ailleurs au mois d'août 2016. Oui. Donc il n'y a pas de problème. Moi je suis vraiment preneuse pour toute possibilité quoi de pouvoir essayer d'avoir une relation père-fille. Il n'est pas trop tard. Ouais. Donc il n'y a pas de problème. Moi je vais rien lui demander. Je vais rien te demander par rapport à ton passé. Je sais que ça viendra petit à petit. Tu vas t'expliquer tout seul comme ça. Mais il faut pas avoir peur. Faut pas avoir honte. Ouais. Moi je suis preneuse pour une relation, quoi, de père-fille, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Et ton frère, Narcisse Que? Ah, lui, je ne sais pas pourquoi il a disparu, hein. Franchement, je n'ai rien compris. Parle-lui, c'est l'occasion de lui parler, parce que tu as l'occasion maintenant de lui parler. Mais justement, vu qu'il est mon grand frère, apparemment, c'est lui-même qui me l'avait dit au travers d'une lettre. Oui. Qu'il essaie de booster notre papa pour qu'il puisse. Pour qu'il puisse y avoir cette rencontre enfin, si possible même ce mois d'août. Oui. Pourquoi pas, oui. Qu'on puisse se réunir. Moi je sais que Narcisse, c'est un jeune, hein, donc normalement il devrait aussi avoir l'esprit assez ouvert et comprendre des choses. Oui. Et moi j'aimerais bien qu'il soit l'intermédiaire, quoi. Oui. Donc que Narcisse prenne sa place de grand frère et assume sa responsabilité pour attirer la réunion familiale de la réconciliation. Exactement, voilà. Voilà. Ah, mais de toute façon, il faut que tous ceux qui nous écoutent, de près ou de loin, l'entourage de ton papa, de tes frères, des camarades, de tes petits frères au-delà qui fréquentent, que les gens nous entendent et comprennent que chacun de nous a un passé. Et chacun de nous a un passé sombre. Même si nous avons maintenant de la blancheur sur le cœur, même si nous avons un avenir brillant, chacun de nous a un passé sombre. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit contre notre passé. Avec notre passé, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi pour modifier cela. Nous n'avons pas la possibilité. Ce que nous pouvons faire, c'est regarder à notre passé comme un rétroviseur pour ne pas faire les mêmes erreurs demain. Si nous avons fait des erreurs, nous devons commencer à partir de ces erreurs, aller à partir de ces erreurs-là pour prendre des enseignements pour éviter. Donc, si ton papa m'écoute et toute autre personne qui écoute, et je profite de cette occasion aussi pour appeler tous ceux qui ont des cisaillements dans leur famille, les mamans qui ont quitté le foyer, les papas qui ont quitté le foyer, les enfants qui sont partis et n'ont pas donné signe de vie à leurs parents, que Dieu veut la réconciliation. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur péché. Mais il a mis en nous cette parole de la réconciliation, comme si Dieu exhortait par nous, les hommes, soyez réconciliés avec Dieu. La famille, c'est le noyau de la société, c'est la base de la société. Toute famille divisée contre elle-même, on ne peut pas vivre tranquille dans la société. Donc, Monsieur Maurice Guillaume et Narcisse Guillaume, puisque c'est vous les deux que nous connaissons maintenant, si vous êtes à l'écoute, contactez-nous. Nous sommes au Cameroun, puisqu'il est question que vous êtes au Cameroun. Le numéro se trouve dans le site internet ici. Et puis, je rappelle encore de façon audible le numéro. C'est le 6-75-87-41-21. 6-75-87-41-21. Aïe, indiquant clairement devant le 237 qui est l'indicatif du Cameroun, au cas où vous vous trouvez hors du pays. Il y a également le 6-94-01-94-40. Le 6-94-01-94-40. Je serai très ravi, par la grâce du Seigneur, de me joindre dans votre famille, devinez votre fils et prier pour vous afin que le Seigneur jusqu'à vous réconcilie. Parce que c'est l'un des domaines de notre ministère de réconcilier les gens qui ont des problèmes. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Et bien plus, le Seigneur Jésus-Christ dans la Bible, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, dit « Recherchez la paix et la sanctification avec tous. » C'est avec tout le monde qu'on doit rechercher. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il est question ici de revenir à la base initiale de la société, la construction de la société, la famille dont Dieu a donné. Le père a sa responsabilité, la maman a sa responsabilité. Les enfants ont leur responsabilité. Votre fille a entamé depuis des années maintenant le désir de vous rencontrer. Le désir de vous connaître parce qu'elle ne demande qu'à connaître son véritable papa, le papa qu'elle a chéri et aimé tant dans l'enfance. Elle attend encore vous embrasser dans ses bras. Elle ne vous attend pas à ce que vous lui construisez une maison, à ce que vous preniez votre devoir de père sous quelque forme que ce soit, mais tout simplement de l'embrasser, la cajoler, lui dire que je t'aime ma petite fille, je t'aime ma fille, pardonne-moi. Tout simplement, il suffit de ce simple mot pardon pour que l'amour soit rétabli et fondé. Donc, ma soeur Annie, j'espère que je n'ai pas joué le rôle des porte-parole là. Ah non, c'était parfait, c'était magnifique, ça m'a vraiment fait plaisir d'écouter tout ça, d'entendre tout ça, vraiment ça fait plaisir. C'est la première fois qu'il y a un tel message qui passe comme ça, où plusieurs personnes ont écouté, c'est vraiment magnifique. Mais j'ai essayé, hein, par la CATV, hein, je suis passée par mon cousin pour qu'il fasse un truc de ce genre. Mais ça n'a rien donné, mais j'espère que cette fois-ci ça va donner quelque chose. Voilà, ouais. Maintenant, parlons dans le deuxième cas. Mais avant qu'on ne touche le cas de mariage, je voudrais poser une question. Ta maman, t'a-t-elle pas dit le pourquoi ton papa s'est séparé d'elle? Non, elle a même dit que c'était son premier homme. Hein. Oui. C'était le premier vraiment. Hein, elle n'a jamais connu d'homme. Hein. Oui. Et c'est juste quand elle a annoncé qu'elle était enceinte qu'il a disparu, c'est tout. Ok. Et là, elle a refait surface lorsque tu es né, puisque tu as dit que tu l'as rencontré à 6 ans. Il a fait surface la première fois. J'avais 2 ans. Ça, c'est ce que ma mère m'a dit. J'avais 2 ans, 2, 3 ans par là. Et puis après, il est revenu quand j'avais 6, 7 ans. Un truc comme ça, je sais pas. Mais je me rappelle, je sais que j'ai dormi là-bas chez lui une fois, chez mon père. Oui. Si je me rappelle encore de ça, ça veut dire que j'avais peut-être 6, 7 ans. Oui. C'était pas l'âge de 2 ans, c'était 6, 7 ans la deuxième fois. Ok. Mais après, quand il est revenu, ce n'était plus au Cameroun. Ok. Et ça n'a pas fait scandale dans la famille parce que pour qu'une fille à l'âge de 14 ans qu'on soit, c'est quand même un scandaleux, ça. justement, c'est pour ça que j'essaye de comprendre mon père, parce que ma grand-mère, c'est quelqu'un de... Elle est très terrible, ma grand-mère, quoi. Oui. Donc, déjà étant grand-mère comme ça, vieille, je vois le caractère qu'elle a, j'imagine à cette année-là, comment elle a pu réagir. Elle est très, très... C'est une lionne, une sacrée lionne, ma grand-mère. Donc, c'est une dame de fée, quoi. Exactement. Donc, je peux comprendre que même cette réaction a fait fuir mon père, quoi. Oui. Mais avec le temps, donc, il faut que ton père revienne parce que il a mis une semence. Et j'imagine, tu ressembles à ta maman ou bon, si c'est pas ta maman, c'est ton papa certainement. Tu ressembles à qui? Les deux. Franchement, les deux. Quand je me regarde sur le miroir, je vois un coin ma mère, mais après quand je regarde encore, j'ai un front, un petit front. Là, c'est le front de mon père, quoi. Oui. Non, les deux, quoi. Oui. Franchement. Bon, avant que je n'avance encore dans la question, comment as-tu vécu cela lorsque tu entends souvent les gens parler de leur papa depuis ton tendre enfance, alors que tu as fréquenté, tu as dû souffrir de ça beaucoup. Alors, je pense que l'environnement joue beaucoup. Parce que quand j'étais au Cameroun, j'ai moins souffert de ça parce que je n'étais pas quelque part la seule qui n'avait pas son père. Oui. Cameroun. Oui. Mine de rien, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas qui sont comme moi au Cameroun. Hein. Donc, ce qui fait que ça m'a pas tellement touché quand j'étais au Cameroun, mais c'est quand je suis arrivée ici que ça m'a beaucoup touché. Parce qu'en général, ici, les familles sont, il y a le père, la mère, vraiment c'est en mode standard, quoi, le père, la mère, les enfants. Oui. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivée ici, ça m'a beaucoup plus dérangée parce que à l'école, tout le monde parle de son père, de sa mère, de son père, de sa mère. Et puis moi, c'est tout le temps ma mère, ma mère, ma mère. Si bien qu'à un moment donné, les jeunes, là, ils ont commencé à... Mais tu n'as pas de père, toi, tout le temps, tu parles que de ta mère, ta mère, ta mère. Après, en premier temps, comme ça, j'ai commencé à utiliser mon beau-père. Oui. Que je disais mon père, mon père. Mais une fois, un jour, il y a eu une réunion de parents, puis c'est mon beau-père qui est parti. Oui. Puis ils ont vu que c'était un blanc. Oui. Puis ils se sont dit, mais ça peut être ton père, tu n'es pas métisse. Oui. Donc là, ça a encore tout changé. Oui. Donc vraiment, m'a vraiment souffert. Et surtout que quand on parlait de date de naissance, des formulaires à remplir, à l'école et tout, et puis que moi, le côté du père, il y avait toujours un trait, parce qu'il ne m'a même pas reconnu. Oui. Donc, c'est quand je suis arrivée ici que ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'est même pas au Cameroun, parce qu'au Cameroun, dans notre environnement, il y a beaucoup qui n'ont pas de père, donc tout le monde s'en fout un peu. C'est pas la même chose, c'est pas vu, c'est pas perçu la même chose ici. Et en ce temps-là, comment tu vivais ça dans ton cœur? Est-ce que il y avait le temps où tu pleurais seul de ton côté? Oui. Je pleurais, puis j'avais beaucoup de haine. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai compris beaucoup de choses, donc j'ai passé cette étape-là. Oui. Mais vraiment, à l'époque, oui. J'avais vraiment la haine. La haine, je voulais même pas le voir. J'ai eu des moments où je le traitais de tous les noms, mon père. Oui. Et là, maintenant, le poids, tu l'as pardonné et puis le poids a disparu. Oui, c'est surtout quand j'ai fait ma maturité. Ils appellent ça ici la maturité, c'est l'équivalent du bac chez nous au Cameroun. Oui. Quand j'ai fait ça, j'ai dû écrire mon histoire de vie. Oui. Et puis j'ai parlé de ça. Autobiographie. Exactement, ça m'a tellement fait du bien d'écrire ma propre histoire et puis de me relire. J'ai eu des moments où j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Oui. Je suis venue au Cameroun, c'est justement à ce moment que j'ai commencé justement à faire des recherches, quoi. Oui. Puis je me suis dit peut-être que ça va combler, ou bien même si je ne le trouve pas, ça va me faire du bien dans le sens que je vais me dire que j'ai tout fait, moi, de mon côté, mais c'est lui qui fuit. Oui. Là, ça me console, quoi. Ça me fait du bien, mais que de ne rien faire. Oui. Ah, que le Seigneur. Donc, c'est à partir de là que je commence à me dire peut-être qu'il y a le facteur de culture, de tout ça, qui fait en sorte que lui, je suis, quoi, en fait. Oui. Voilà. Tout à l'heure, tu nous as fait état d'une certaine lettre, des correspondances que tu avais avec ton grand frère Narcisse. Dans ces correspondances-là, qu'est-ce qui était mentionné au juste, puisque lui, il vivait avec ton papa? Justement, la première lettre qui est arrivée ici, je vais jamais oublier ce jour-là. J'ai eu une lettre qui venait du Cameroun. C'est la première fois que je me disais, mais on n'écrit jamais depuis le Cameroun, c'est bizarre. Je vois université de soi, des trucs comme ça. Je me dis, mais je connais personne à l'université de soi, mais je comprends pas. J'ouvre la lettre. Puis justement, je lis, je m'appelle, voilà, Narcisse, je suis ton grand frère, j'ai 3 ans de plus que toi, c'est papa qui m'a donné ton adresse et tout, j'ai lu ça, mais j'avais ça en main comme ça, puis j'ai pas lu jusqu'à la fin, hein, je me suis arrêtée, c'était comme si c'était le site qui me tournait dessus, voilà. Je me suis dit, mais c'est quoi ça, en plus j'ai un grand frère, quoi. Mm. Et après j'ai appelé mon petit frère qui me suit, il est venu, il me dit, oh, faut pas lire ça, ne lis pas. Bon, mon frère, lui, il était petit, hein, donc il avait un peu des idées noires. Attends, il dit, oh là là, tu veux répondre, petit frère. Tu réponds. pardon. Oui, j'ai trois petits frères ici. Ok, ton petit frère, ça c'est ta maman a reconstruit une nouvelle vie quoi. Exactement. Ok, et là eux ils sont métis. Exactement, oui. Ouais. Mais après lui dit où ton petit frère ne comprenait pas ce que tu vis là. Non, non, il comprenait pas du tout. Oui. Puis lui, il a souvent entendu, lui, pour lui, l'Afrique, c'est le vaudou, c'est la sorcellerie, quoi. Il lui dit, si tu veux répondre, si tu veux répondre, tu réponds par mail, quoi. N'écris pas avec ton, ta propre écriture, parce que sinon, il va travailler sur ça, je sais pas quoi, il me dit des trucs comme ça. Mais moi, j'étais quand même contente, hein. J'ai lu jusqu'à la fin, mais j'ai montré cette lettre à tout le monde, hein, de ma famille, tout le monde, tellement j'étais contente. Oui. Et après, j'ai répondu. J'ai répondu. Je crois qu'on a fait ça peut-être, qu'on a eu à échanger 4 ou 5 lettres, je sais pas, puis après tout d'un coup, il y a tout qui s'est arrêté. Et là, à cette lettre, tu as répondu, n'est-ce pas? Oui. Dans les lettres, y avait-il des contenus qui dévoilaient le pourquoi du papa, les pensées du papa? Non, pas du tout. La seule fois qu'il a parlé du papa, c'est quand il disait que c'est papa qui m'a donné ton nom, c'est tout. Ça, c'est seulement la seule fois qu'il a mentionné le nom du père. Tout le reste, c'était par rapport à lui, par rapport à, ça fait du bien de savoir que t'es ma sœur, des trucs comme ça, c'est tout. Oui. Le papa était mentionné juste quand il me disait, c'est papa qui m'a donné ton adresse, c'est tout. Oui. N'y avait-il pas dans ces lettres-là quelque chose que peut-être il t'aurait demandé, peut-être n'y avait-il pas de tentative de pouvoir avoir peut-être voyagé et que peut-être tu n'as pas à répondre à sa sollicitation? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a même pas demandé d'argent, rien, rien, c'était vraiment une lettre, mais normale, quoi, juste par rapport à nous. Oui. Moi, je suis contente de retrouver rien que nous, quoi. Vraiment, il n'y a pas eu une fois une demande ou quoi que ce soit. Oui. De ce genre, non. Et l'année où il t'a contacté, étant à soi, il a décrit la faculté qu'il a faite pour être plus précis, détecter la personne dont on en a parlé. Cette année-là, c'était quelle année et quelle faculté? Non, alors, peut-être qu'il m'a dit, et puis je ne sais plus, mais non, je sais plus, vraiment. Mais quand j'ai envoyé mon cousin, parce que j'ai envoyé mon cousin, hein, mon cousin, quand je le cherchais déjà, j'ai téléphoné à mon cousin au Cameroun, je lui ai demandé s'il pouvait passer à soi pour demander un peu. Et effectivement, il existe, hein, parce qu'ils lui ont dit, oui, il est pas là, il est en vacances, voilà sa chambre. Oui. Mais après ça, quand mon cousin est reparti quelques mois plus tard, et en fait, il avait déménagé, quoi, il était parti de l'Uni. De l'université. Oui. Ok. Voilà, maintenant, touchons le point. Tu as dit que tu venais ici en août 2016, ici au Cameroun. Le 13 août 2015. Est-ce que tu aimeras que si tu viens, si le Seigneur permet, et que ton père ou tes parents, ton frère, s'ils refassent surface, je me joue à votre famille pour qu'on prie ensemble? Oui, il n'y a pas de problème. Si eux, ils sont d'accord, hein. Donc, moi, j'ai pas de problème. Ok. Parce qu'il ne faut pas que dès qu'on va dire qu'on va prier, puis eux, ils fuient, on ne sait jamais. Hein. Moi, je suis partant. On ne sait jamais, mais oui, puisque oui. Ça ne va pas être impossible, ça. Oui, plus Dieu fait grâce afin que ça puisse les toucher, que le Saint-Esprit puisse lui-même les localiser. Tout à l'heure, nous parlions du mariage. Tu semblais avoir des choses à dire là-dessus. Oui, beaucoup. Justement, c'est pour ça que voilà aussi un des petits points qui par rapport à Mélissa, qui, voilà, par rapport au témoignage de Mélissa, voilà un petit point aussi qui a quelque chose m'a touché, quoi, quand elle parlait de, quand elle disait qu'elle a demandé à son père, que puis moi mon mari, quoi, quand il lui a demandé de coucher avec. Ben moi, mon problème avec ça, c'est que moi je n'ai jamais, c'est la première fois que, bon, tu vas sûrement me dire que c'est l'abomination, hein, ma foi, voilà, hein. Moi, je connais pas en gros Jésus, donc j'ai plein de péchés, hein, je peux pas te dire. Hein. Moi, je préfère le dire à l'avance avant que tu ne me dises. Non, mais tu sais, c'est juste, donc, tu es psychologue, tu sais effectivement que ce sont les psychologues, les patients qui ont besoin de médecins, n'est-ce pas? Non, mais c'est parce que j'ai écouté le message de Mélissa, donc je sais à peu près chez moi là tout à l'heure ce qui va pas, les fossiles, cheveux, ça je sais déjà. Ah, elle avait son papillon, moi j'ai une rose, donc je sais que j'ai beaucoup de choses qui vont pas, donc voilà. Oui, mais donc, c'est tellement qu'il faut se mettre en règle avec le Seigneur, n'est-ce pas? Mais oui, justement, j'ai écouté plein de trucs avec le témoignage de Mélissa, donc je sais ce qui est déjà pas bien chez moi. Et qu'as-tu fait? Qu'est-ce que ton cœur, dans ton esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle décision as-tu prise? Si j'ai pris des mesures? Oui, qu'as-tu pris comme décision? Non, en fait, avant de prendre des décisions, c'est que je me suis d'abord dit, oh là là, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Il dit que notre corps est le temple de Dieu. Oui. Puis je me dis, mince, j'ai fait une rose à la cheville, donc ça me dit que j'ai gâté le corps de Dieu, quoi, je sais pas moi. C'est tout ce que je me dis. Ouais, j'étais en train de me dire ça. Oui. Après, quand tu disais, ouais, là, un papillon, l'esprit du papillon. Oh là là, je me suis dit, mais mince, j'ai l'esprit de la rose parce que j'ai la rose sur la cheville. Ouh là là, j'ai tatoué un truc. Ouais. Mais oui, c'est ce que je me disais hein, pendant la nuit. Ouais. Puis après, les cheveux, là, tout ça. Puis je me disais, mais j'ai, en plus, là, j'ai les lunettes, mais en général, quand je suis pas à la maison, j'ai des lentilles. Hein. Puis je me dis, mince, en plus, je mets des lentilles, c'est pas possible. Je suis toute fausse, je suis dans le péché, quoi. Bon, alors, raconte une histoire. On va revenir sur l'orientation par rapport à ta nouvelle vie potentiellement en Jésus-Christ à la fin de ton témoignage, d'accord? Oui. Mmh. Donc, allons-y. On était où, là? Je ne sais même plus. On était au niveau du témoignage de Mélissa par rapport au mariage et dont tu as beaucoup voilà. De choses, oui. Alors, moi, avant, je crois que c'est aussi, ça fait aussi partie des choses qui ont fait en sorte que je cherche mon père. Oui. Moi, j'ai pris ça comme une punition. Parce que je me disais, si je cherche pas mon père, j'en ai rien à foutre. C'est peut-être pour ça que je commence à avoir des petites choses dans ma vie qui vont pas. Ouais. Donc, ce qui a commencé, c'est que moi, au début, j'avais beaucoup de, ils appellent ça des couches de nuit. Hein. Oui. Voilà. J'avais beaucoup de choses de ce genre. J'avais, mais sauf comme Mélissa. Oui. Vraiment, ça m'a pris beaucoup de choses. C'était des têtes des personnes que moi, je connaissais. Je me disais, mais comment ça se fait que mon frère vienne avec moi la nuit? Mais c'est pas possible. C'est quoi ces histoires? Oui. Après, c'est plus ça, c'est quelqu'un de la ville ici que je croise en route comme ça. Oui. Donc, ce qui fait que moi, j'ai eu à voir auparavant des hommes de Dieu aussi. Hein. Oui. Donc, j'ai vu quelqu'un qui était ici, qui m'a fait, qu'est-ce qu'il m'avait fait? Il m'a fait des prières, il m'a donné des psaumes, on a fait des jeûnes. Et puis après, il m'a qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Il a mis du sel dans l'eau. Oui. Enfin, il m'a fait un bain, une espèce de bain. Mais depuis ce jour, j'ai plus eu de couche. Pardon? C'est un prêtre? Oui, exorciste, je crois, oui. Ouais. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, ça fait il y a des années, j'ai plus eu ça, hein. J'ai plus eu de couche de nuit du tout. Ouais. Ça s'est arrêté. Oui. Et là, tu penses que Dieu t'a délivré? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai plus eu ça. Oui. Mais le souci, c'est que, enfin, le souci, pas maintenant, hein. Alors, on va arriver jusqu'en 2016. Là, on est dans les années 2003, 2005, tout ça. Oui. Le truc, c'est que, même si c'est l'abomination, j'ai quand même le dire, j'ai eu des copains, hein, mais c'était du genre, c'est une semaine maximum. Ou alors, si vraiment j'ai battu le record, c'est un mois. C'était comme si, que dès que quelqu'un me connaît, comme ça, il y en avait d'autres, c'est juste, la première fois qu'on va boire un verre, après, il disparaît. Oui. Donc, ou alors, on dit qu'il y avait la routine seulement dans la vie et les hommes ne duraient pas dans ta vie, dans les relations. Voilà, exactement. Et ils ne partent pas parce qu'il y a un problème. Hein. Ne me demande pas s'il y a un problème parce qu'il n'y avait aucun problème. Oui. C'est juste comme ça. Et puis tout d'un coup, quelqu'un échange de numéro, je ne l'ai plus. C'est tout. Oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai en moi qui chasse ces personnes, quoi. Oui. Et puis après, il y a 2 ans, j'étais au Cameroun. Parce que normalement, je viens chaque année. Hein, mais l'année passée, je suis pas venue parce que j'ai eu un peu des soucis au niveau professionnel. Donc, je suis pas venue. Mmh. Donc, l'année 2014, quand j'étais au Cameroun, je suis de nouveau allée voir un homme de Dieu aussi. Mmh. On a beaucoup fait des prières, des jeûnes, des trucs, plein de trucs, quoi. Enfin, des prières, hein, c'est beaucoup de prières, des veillées de prières, plein de choses, neuvaines, tout ça. Et puis, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait 2 ans avec quelqu'un. Ouais. Enfin, c'est même pas fini encore, hein. C'est l'abomination, je sais, hein. Je dis déjà. Non. Ma soeur, je ne suis pas sorti du ciel tombé sur la terre. J'ai également eu une sale vie, mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il m'a réformé. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, chacun de nous a eu une sale vie. Il faut seulement qu'on comprenne la volonté de Dieu et on y marche. Voilà. Donc vraiment, c'est la première fois de ma vie après ça, après ce que j'ai fait au Cameroun avec le c'est aussi quelqu'un, homme de Dieu et tout. Oui. La première fois, je dis bien jusqu'aujourd'hui que je suis avec quelqu'un, ça fait un peu plus de 2 ans. Eh ben, même moi, je suis impressionnée. Pourquoi n'êtes-vous pas donc marié alors? C'est très compliqué ici, c'est l'Europe. Et lui, c'est un... Ah, c'est très compliqué. Lui, c'est un blanc? Non. Le truc, c'est qu'il a une situation qui n'est pas très en règle au niveau des papiers ici. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Et lui, donc, il ne peut pas se marier facilement. Voilà, c'est ça. Tu vois donc, permets-moi de parler d'une façon aussi aux gens qui voyagent là-bas. Il y a des gens qui quittent pour voyager à l'extérieur, ils utilisent des faux noms. D'autres qui utilisent des fausses identités. D'autres qui passent par des moyens détournés sans compter sur Dieu pour y aller. Et voilà donc comment on se retrouve dans le péché. On se retrouve maintenant attaché sur son propre péché. Mais jusque-là, le Seigneur Jésus-Christ peut intervenir et régler la situation si vous invoquez son nom. Parce que la Bible déclare que quiconque invoque son nom sera sauvé. Lorsqu'on cherche en lui le refuge, il se montre. D'accord, ma sœur? Moi, je peux bien t'expliquer très bien la situation, mais je ne peux pas le dire là, vu que tout le monde écoute, parce que je suis sûr qu'il soit d'accord que... Concentrons-nous sur toi. Voilà. Ça, on va parler ça en privé, d'accord? Exactement, voilà, c'est tout bien. Donc voilà, c'est la première fois, donc je suis très impressionnée, je sais pas, je suis vraiment impressionnée, je dis pas que je suis libérée, hein, mais je suis impressionnée, j'ai même l'impression, chaque fois je me dis, mais peut-être qu'il va partir, peut-être demain, maintenant, parce que ça fait un moment, maintenant il est toujours là. Non, c'est vrai, vraiment. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Oui! Moi, j'ai toujours été du genre, ah, vous êtes vraiment belle, vous êtes jolie, vous êtes, mais vraiment que des appréciations, bah après, il n'y a personne qui, non. Qui va juste. On fuit, ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il dit de toi par rapport à ta promesse? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Ce que lui veut de moi. Oui. Parce qu'un homme peut bien vous parler de ça. Non, parce qu'il y a des hommes qui peuvent être là parce que je regarde un intérêt, parce qu'en toi, il y a un intérêt, il y a des potentialités, il y a des avantages, ainsi de suite. Je vais pas te mentir, je vais être franche, hein, parce que moi je suis quelqu'un comme ça. D'ailleurs, je le lui ai dit, hein. Moi j'ai peur, parce que j'ai aussi l'impression, comme tu viens de le mentionner, que j'ai peur que je donne, justement des papiers, et puis après lui s'enfuit, il part. Ouais. Je vais pas te mentir que c'est quelque chose qui me hante beaucoup. Oui. Mais dans les deux côtés, donc, non seulement vous vivez dans le péché, mais vous vivez dans l'hypocrisie, hein, dans ces cas. Puisque chacun se surveille, là. Je sais pas, de son côté, moi je peux pas être en lui pour dire que lui, il me surveille, ça c'est mon hypothèse à moi. Oui. Et tu vois donc que la psychologie, on peut faire marcher sur d'autres personnes lorsqu'ils sont à l'extérieur de nous, mais quand c'est proche de nous, on ne peut pas voir ça détecté. Donc comme pour dire que le menuisier n'a pas de chaise chez lui. Non, parce que pour moi c'est quelqu'un, pour moi il est bien, oui. Il montre pas quelque chose de, mais ça fait rien, on ne sait jamais, il y a toujours une exception à tout, hein. Oui. On peut pas toujours, même en tant que professionnel, toujours détecter la chose comme ça visuellement. Il y en a qui arrivent à passer. Oui. En dessous, il y en a qui arrivent à être devant nous et puis qu'on ne voit rien. Oui. Qui savent bien jouer le jeu. Oui, c'est donc là où le Saint-Esprit dépasse dans la psychologie. Tu vois un peu ça, ma sœur? Le Saint-Esprit, oui, voilà. C'est de la science. Et donc là, si tu as le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, il peut te conduire à dire exactement ce qu'il en est. Donc, il va falloir qu'on le recherche. Dieu merci que tu en as devenu. Non, mais quand je vais t'expliquer en privé la situation, tu verras que là, ce sera différent. Tu vas voir les choses différentes. Ok, ma sœur. Donc, on est au sorti maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que ton père, même sans le voir, au moins, toi, tu as la grâce que tu as eu ses photos, tu as encore les flashs de son image, et peut-être de temps en temps, tu le regardes. Est-ce que tu aimes ton père de tout ton cœur? Dans ton cœur, là, au fond de... De tout mon cœur, là, comme ça, maintenant, c'est un peu exagéré dans le sens que c'est un peu un inconnu pour moi, c'est un étranger même. Oui. C'est pour ça que j'ai besoin de le connaître, faire connaissance, et puis je crois que après, tout le reste, là, va grandir. Oui. Mais là, comme ça, je peux pas commencer à dire, oh, je l'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, parce que moi, ma mère, je l'aime de toutes mes forces. Oui. Ça, je suis sûr, je le dis tout de suite comme ça. Bon, alors, c'est trop de dire ça que maintenant, là, je l'aime de tout mon corps, de toutes mes forces, alors que je l'ai jamais vraiment connu. C'est un étranger, tu vois. Oui. Je peux pas, mais j'ai la volonté, j'ai l'envie de connaître le personnage pour qu'il y ait quelque chose qui puisse grandir, qui aille dans ce sens-là. Annie? Oui. Donc, tu sais exactement que tu aimes ta mère de tout ton cœur, de toutes tes forces. Il faudra que tu aimes Jésus de la même façon comme ça, le Seigneur Jésus. Non, moi, je suis consciente qu'après Dieu, là, après Jésus, là, c'est ma mère. Amen. Après lui. Amen. Oui. Maintenant, quand ton père va venir, maintenant, l'amour va se diviser en trois, maintenant. Voilà, puis quand ton mari va faire signe, maintenant, faire son entrée, ça va diviser en quatre. Mais il faut que l'amour pour le Seigneur soit la priorité, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, certainement, dans ton lieu de service, dans ton atelier de service, tu as eu à aborder des gens qui ont des problèmes compliqués comme cela. Et par la grâce de Dieu, tu as dû faire taire ton propre problème pour surmonter et résoudre les problèmes des autres. Parce que dans votre étude, on vous montre que vous n'avez pas montré votre état d'âme devant le patient. Mais justement, le problème, c'est que quand on étudie ces trucs-là, c'est pour ça que j'ai dû faire mon autobiographie, c'est que on nous disait qu'avant de pouvoir aider l'autre, il faut d'abord se connaître soi-même. C'est exactement donc, ce que déjà de guérir le livre dit. Oui. C'est ce que le pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain? Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil afin que tu vois la paille qui est dans l'œil du prochain. C'est pour ça que j'ai fait des démarches et c'est pour ça que ça m'a consolé de me dire que moi j'ai fait des démarches, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais eux, ils ont fui. C'est pas grave. Moi, j'ai fait une étape. Oui. Moi, au moins, je me suis battu pour ça. Donc, ne t'inquiète pas, ma chère sœur. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du ciel, va vous réconcilier. Et là, okay. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu peux dire au sorti de maintenant à tous ceux dont j'étais sur le point de chuter ici, tous ceux donc qui vont écouter ton témoignage et qui sont à la quête, à la recherche d'un parent. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je ne peux que les encourager. Oui. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit avant, on est très très vite à juger l'autre et puis on s'oublie soi-même. Oui. Donc c'est vrai que mon père, lui, il a eu ses raisons à cette époque-là, que je ne connais pas très très bien. Mais aujourd'hui, peut-être ça peut être une autre personne. C'est pour ça que je mets en avance le côté culturel. Parce que je sais comment ça se passe chez nous. Oui. Donc pour moi, si vraiment une personne veut chercher son parent, moi je ne peux qu'encourager la personne. Oui. Même si on se fait rejeter par la personne une fois qu'on l'a retrouvée, mais c'est pas grave. On a fait l'étape. Ça fait quelque chose en plus, hein, ça réconforte, ça fait du bien, hein, oui, de se dire que j'ai essayé, mais c'est lui qui m'a rejeté. Oui. Ça fait du bien que de ne rien faire du tout. Oui. Exact. Et moi je ne peux qu'encourager parce que je me dis toujours, même si il n'est pas là, c'est quand même mon géniteur. Oui. Donc, j'ai lu quelque part dans la Bible, je ne sais pas où, qu'on doit honorer notre père, notre mère. Oui. C'est pour ça que je dis qu'après Jésus, après lui, oui, c'est ma mère. Voilà. Voilà. Donc, franchement, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que j'ai mûri, je sais pas. Mais ça ne me dit rien, cette situation, finalement. Oui. Moi, je veux juste qu'on se retrouve et puis c'est bon, on fait la paix, point barre. Oui. J'ai même pas envie de creuser plus loin. Je crois que ça va remplir, ça va me faire du bien, ça va faire beaucoup de bien dans ma petite vie à moi. Oui. C'est vraiment un vide. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me manque. J'ai cru dans le passé que j'étais plus forte que ça, que je m'en foutais de ça. Oui. Mais c'est justement en faisant des études que je me suis rendu compte qu'un non, c'est une blessure qui est là, qui dort. Oui. Donc, voilà. Moi, je ne peux qu'encourager les gens qui cherchent leurs parents. Allez-y chercher. Même si plus tard, ça devient négatif parce qu'on se fait rejeter. Mais c'est pas grave. Au moins, on a essayé. Au moins, devant notre Dieu Tout-Puissant, il va voir qu'on a tout mis en œuvre pour pouvoir retrouver cette personne qui nous est chère. Mais c'est lui qui ne veut juste pas. Ou alors, tant mieux s'il nous accepte. Amen. Amen. Tu me permets de poser une question un peu plus profonde là maintenant? Oui. Jusqu'où peux-tu servir Jésus avec ton style de métier que tu fais? Ah oui, mais bien sûr, parce que moi, mes clients sont que des gens qui sont des gens qui n'ont rien. Ce sont des adultes en difficulté sociale. C'est que des gens qui ont besoin, justement. Qui ont mon métier, je ne l'ai pas vu. Déconstruite. Ils ont l'être déconstruit, déboussolé à l'intérieur et tu tentes tant bien que mal de les reconstruire, comme tu le veux. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que toi, tu penses, que c'est l'être déconstruit. Je pense pas que je suis déconstruite à ce point-là, parce que j'ai eu un moment... Non, je parle des clients qui viennent pour te consulter. Eux, ils ont des problèmes à l'intérieur qui sont déconstruits, et ils viennent pour que tu essaies de les reconstruire leur vie. Exactement, mais parfois, c'est vrai qu'il y a parfois des situations qui me feront penser à moi. Oui. Mais j'avoue, quand ça me fait comme ça penser à moi, j'ai plus de moyens, d'outils à disposition dans ma tête, là. Oui. Pouvoir aider l'autre en ce moment-là parce que je me mets à sa place, parce que j'ai vécu ce qu'il lui est en train de vivre, ou alors il y a quelque chose de similaire. Oui. Ça m'aide beaucoup, moi, au contraire. Peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui ça n'aide pas, mais moi, ça m'aide. Oui. Le fait d'avoir vécu, d'avoir eu une vie aussi tordue, bizarre, et puis d'avoir quelqu'un en face de moi qui a un peu ce parcours-là, moi, ça m'aide, au contraire. Ça me donne des ailes pour pouvoir vraiment aider cette personne. Mais après, il faut que la personne soit aussi preneur, il faut qu'il ait l'envie aussi. Oui. Supposons maintenant que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu te repentes et qu'il te donne le don de discernement des esprits. Quand quelqu'un se présente devant toi, tu connais exactement son problème et la solution adéquate pour lui attribuer. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que je ferai? Oui, sans manuel, sans... C'est magnifique. C'est magnifique. Ce serait magnifique. pratique de déjà essayer d'amener cette personne à croire en ce Jésus. Oui. Pour savoir que c'est même pas Annie qui fait. Oui. C'est Jésus qui travaille en Annie. Amen. Amen. Mais alors, est-ce que tu peux laisser le Seigneur t'utiliser dans ce domaine-là comme ça, ma chère? Mais pourquoi pas? Si ça fait peu, si ça peut faire du bien à l'autre, mais oui, c'est ce qu'on devrait normalement faire, non? Ou bien non? Et là, nous touchons dans la porte de sortie dont j'ai parlé tout à l'heure, là. Jusqu'où donc es-tu prêt à marcher avec le Seigneur? Avec, comme tu as dit tout à l'heure, les lentilles de contact et autres. Déjà même par rapport aux lentilles de contact et les cils, là, pourquoi tu les mets déjà ou juste alors que tu es déjà belle comme ça naturellement? Non, mais moi, mes lentilles de contact sont en fait mes lunettes en même temps. Oui. C'est pas des lentilles de contact pour... je suis myope, hein. Je suis myope. Oui. Et moi, je trouve que les lunettes ne m'ouvrent pas. Ce qui fait que j'ai les lunettes, je les mets qu'à la maison. Mais quand je sors de la maison, je mets mes lentilles. Oui. Sinon, je peux pas bien voir. Oui. À moins qu'on délivre les gens de la myopie. Oui, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ guérit de tout cela, pas vrai? Bah alors, tu vois? Ah, ma soeur Annie. Donc, tu es prêt maintenant à suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur aussi? Voilà, on va aller étape par étape. C'est très très difficile, il faut faire un deuil surtout. Hein. C'est très difficile de jeter mes mèches. Oui, il faut dire ce qui est vrai. Moi, je t'ai dit, hein, je suis franche. Hein. Oui. Et c'est pas faire, oui, à partir de demain, je jette tout. Non. Oui. La Bible dit justement qu'il faut qu'on se repente. Il faut se repentir. Avant de marcher avec lui, il faut mesurer le prix à payer. Oui. Mmh. Mais c'est ça, et c'est pour notre bien, c'est pour notre bien, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Chaque personne, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, a dû sacrifier quelque chose dans le monde. Et continuer à sacrifier jour après jour. Mm-hmm. Parce que lui-même, quittant sa lumière du ciel. Il y a des choses, quoi. Oui. J'ai dû sacrifier des choses. Il n'y a personne qui suit le Seigneur Jésus-Christ sans sacrifier. Quand quelqu'un suit le Seigneur sans sacrifier des choses, il va tourner en rond. Mm-hmm. Mm-hmm. Et bien, de toute façon, tu es en Suisse, il te connaît, il a le regard sur toi. Souviens-toi que tu partais suivre les sommes, c'est lui qui t'a conduit là-bas, ce n'est pas toi qui as voulu, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Mm-hmm. Donc il est derrière toi, les yeux du Seigneur sont sur toi, son doigt est sur toi, il va continuer à te conduire, d'accord ma chère? Ok. C'est que tu vas faire mais tout moi ça. J'avais une question quand même. Oui, vas-y ma soeur. Mais quand on suit Jésus, on n'a pas le droit de prendre de temps en temps un petit verre de rouge ou bien c'est ça aussi, il faut arrêter tout ça? Tu sais, ce qu'il faut faire pour ton cas, pour que tu puisses assimiler avec lui, comme tu suis derrière la Bible, c'est bon. Maintenant, il va falloir que tu aies la Bible où tu lis toi-même, d'accord? Lis le Nouveau Testament, tu lis. Oui, mais je l'ai. Je l'ai, hein. Voilà ce qui se passe avec moi. Je lis d'abord moi, puis après je réécoute. Voilà. Je fais les deux, en fait. Cette fois-ci, lis en demandant au Seigneur de te nettoyer et de te rendre son image. En son image, d'accord? C'est quoi son image? Alors, c'est le petit verre de rouge, là? Non. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, toi, tu peux penser ce qui est bien pour toi, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu me suis un peu? Voilà, donc, exactement. Puisque c'est lui qui t'a fait et c'est lui qui t'a créé, il attend de toi quelque chose. Et par conséquent, il faut que tu ailles vers lui pour demander, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Tu es un vase, il est le portier. C'est le portier qui fait, qui rend, quoi, le vase comme il veut, d'accord? Et donc, après notre conversation, ce que tu vas faire, c'est que tu restes devant lui, à genoux, tu demandes, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai une mauvaise vie, comme toi, tu l'as dit, mais conduis-moi dans la voie de la vérité. Demande au Seigneur de le faire. Ouais. D'accord? Mm-hmm. Qu'il te bénisse. On va se rencontrer. Tu n'as pas répondu à ma question, hein? Il y a encore des questions? Tu n'as pas répondu à ma question avec le petit verre de rouge, puisque Jésus lui-même, il a distribué du vin à... C'est pour cela que je t'ai dit, ok, mais de toute façon, avant que tu ne me parles là, tu en bois de temps en temps, pas vrai? Pas beaucoup, hein, c'est juste de temps en temps, quand j'ai une bonne petite viande là, j'aime bien boire un petit verre de rouge avec. Oui. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ma soeur, bois pour le moment et avance devant de lui, d'accord? Bois pour le moment, puis avance-toi devant lui. Lorsqu'il va te demander de mettre de côté, mets de côté et avance, d'accord? Ok. Mm-hmm. Donc, on va se rencontrer certainement ici en août. On aura à parler et je vais prier également pour toi. Dieu voulant, d'accord? Ok. Mm-hmm. D'accord. Donc, de toute façon, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je sais que ton témoignage va également aider beaucoup de personnes, comme le témoignage de Mélissa a permis au Seigneur de te localiser aussi. N'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, je recommence, je répète donc le contact pour tous ceux qui m'écoutent et qui connaissent le papa de notre sœur Annie qui habite en Suisse. le 237-6-75-87-41-21. Le 237, c'est l'indicatif du Cameroun. 237-6-75-87-41-21. Et le 237 encore, 6-94-01-94-40. Nous avons aussi le contact Skype avec lequel je suis en train de causer avec ma soeur maintenant. Le Skype, c'est Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Junior, J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Vous pouvez également nous suivre sur Bamba Iba, sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Vous allez sur Bamba Iba, vous tapez Bamba Iba. Bamba, c'est B-A-M-B-A espace Iba, I-B-A. Ou bien encore sur www.reveilletoi.besaba.com. www.besaba, c'est réveille-toi.besaba, réveille-toi en un seul mot, .besaba, besaba c'est B-E-S-A-B-A.com. Nous vous serons gré et nous vous serons très reconnaissants et que Dieu vous bénisse. Si d'une façon ou d'une autre, vous pouvez nous permettre de retrouver le papa de notre sœur. Imaginez combien d'années, plus de 24 ans qu'elle a subi comme ça là, à l'intérieur d'elle et qu'elle a subi ces choses-là. Et vous également, si vous avez des témoignages, vous avez des personnes à contacter, vous avez des choses à dire, vous voulez dire quelque chose au Seigneur ou bien ouvrir quelque chose, contactez-nous comme l'a fait également Annie. Nous vous recevrons et le monde entier écoutera et ceux dont vous cherchez et ceux que vous voulez voir vous écoutera très certainement. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus vous soient multipliées. À toi également, la sœur Annie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.